Chers voyageurs, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël. Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de data qui sont tombés cette nuit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter. À Noël chez SFR, on remplit sa hotte de gigas. Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G+, est à prix cadeau. 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Premier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire qui s'inscrit dans la semaine de France Culture consacrée à l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, votée le 10 décembre 1948 à Paris. Toute la semaine, France Culture vous propose de réfléchir à la question des droits de l'homme, comme dans Culture Monde, ça sera à 11h, ou encore dans la deuxième partie de la Grande Table aujourd'hui avec l'historien Marcel Gaucher. Demain, nous nous interrogerons pour notre part sur les autres versions des déclarations des droits, comme par exemple la charte du Mandé en Afrique de l'Ouest. Mercredi, nous reviendrons sur l'internationalisation de cette notion de droits de l'homme, et jeudi, le documentaire de Cyrine Yatar et Marie-Laure Ciboulet dressera le portrait d'Eleanor Roosevelt qui présida la commission qui rédigea cette déclaration. Et aujourd'hui, en ce lundi, nous avons le grand plaisir de recevoir l'historienne Valentine Zuber, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, qui est une des spécialistes justement de la notion de droit de l'homme, de son histoire, et nous allons donc l'historiciser, cette notion. Lafayette. Quoique mes pouvoirs m'ôtent la faculté de voter encore parmi vous, je crois cependant devoir vous offrir le tribut de mes pensées. On vous a déjà présenté un projet de travail sur la Constitution. Ce plan, si justement applaudi, présente la nécessité d'une déclaration des droits comme le premier objet de votre attention. En effet, soit que vous offriez sur le champ à la nation cette énonciation de vérités incontestables, soit que vous pensiez que ce premier chapitre de votre grand ouvrage ne doit pas en être isolé, il est constant que vos idées doivent d'abord se fixer sur une déclaration qui renferme les premiers principes de toute législation. Quelque simple, quelque commun même que soient ces principes, il sera souvent utile d'y rapporter les discussions de l'Assemblée. Le mérite d'une déclaration des droits consiste dans la vérité et la précision. Elle doit dire ce que tout le monde sait, ce que tout le monde sent. C'est cette idée, messieurs, qui seule a pu m'engager à tracer une esquisse que j'ai l'honneur de vous présenter. Bonjour, Valentine Zuber. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études et vous êtes une des grandes spécialistes françaises de cette question de l'histoire des droits de l'homme, de cette notion qui a cheminé depuis au moins le XVIIIe siècle jusqu'à nous. Et on vient d'entendre un texte que vous connaissez puisque vous l'avez utilisé pour votre livre sur le culte des droits de l'homme, paru dans la Bibliothèque des sciences humaines chez Gallimard il y a quelque temps. C'est un texte donc issu de l'esquisse qu'avait dressé donc en 1789 le marquis de Lafayette, donc d'une déclaration des droits. Il n'est pas tout seul à vouloir en écrire une. Ils sont très nombreux à participer à cette rédaction en 1789, Valentine Zuber. Oui, ils sont très nombreux, mais le marquis de Lafayette est quand même celui qui a introduit cette idée à l'Assemblée constituante. Et il l'avait évidemment rapporté directement des États-Unis où il avait participé à la guerre d'indépendance américaine. Et il avait d'ailleurs dit, on le voit dans ses mémoires, que à côté de la déclaration d'indépendance américaine, sur le mur de son appartement, il avait laissé une place pour une déclaration des droits proprement française. Alors, évidemment, ça signifie, si on vous suit, que l'origine de cette déclaration des droits Elle n'est pas en France, vous savez qu'il y a toujours une sorte de patriotisme français, patrie des droits de l'homme en l'occurrence, mais qu'elle se situe outre-Atlantique et qu'elle tient dans cette discussion très vive qu'il y a eu entre les colons, donc ceux que les colonisés britanniques dans le Nouveau Monde et donc la Grande-Bretagne, la couronne britannique. Oui, parce que vous savez, c'est une tradition, ces grandes déclarations, c'est une tradition anglo-saxonne. Hein. On a commencé par la Magna Carta, qui était la charte des droits, siècle. Voilà, de liberté des Anglais. Puis ça a été le texte, le Bill of Rights de 1689, au lendemain de la seconde révolution anglaise, qui là aussi est une charte des droits politiques. Et puis cette déclaration d'indépendance américaine. Et enfin, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, promulguée en 1791. Alors évidemment, il faut se placer dans l'optique d'un philosophe britannique, à savoir John Locke, qui est peut-être le premier à avoir synthétisé cette idée avant qu'elle ne s'inscrive dans des textes, justement. Oui, John Locke a une influence certaine à la fois sur la Révolution américaine et sur la Révolution française, même si les historiographes, par la suite, ont plutôt privilégié les Lumières françaises et en particulier Jean-Jacques Rousseau. Mais c'est bien la philosophie lockéenne qui transparaît à travers ces déclarations des droits, de droits naturels, telles qu'elles sont présentes aux États-Unis et en France. Alors, c'est un cheminement assez complexe parce qu'on voit des surgissements quand on s'y intéresse comme vous, Valentine Zuber, des moments où surgissent des textes, justement, puis d'autres moments où, eh bien, souterrainement, dans les sociétés européennes du XVIIe, de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, eh bien, travaillent secrètement, enfin, par infusion, pourrait-on dire, cette idée qu'il faudrait à un moment ou à un autre voir inscrit dans un texte une déclaration des droits. Oui, parce que les sociétés du XVIIe siècle, des XVIIIe siècles se pluralisent d'un point de vue religieux. Et ma thèse est que ces besoins de droits ont surgi de la problématique religieuse, c'est-à-dire du sort des minorités dans des états confessionnels marqués, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que c'est le pluralisme religieux. C'est le pluralisme absolu puisque les colonisés sont issus des peuples, des mouvements religieux persécutés en Europe et qui ont fui aux États-Unis. Donc il y a là une autre configuration. Mais je pense que c'est vraiment le problème religieux qui est à la base de ces demandes de droits. Avec en particulier cette formule qui était la formule des grands États européens et en particulier de la France, à savoir que, eh bien, un pays devait épouser la religion de son souverain. Oui, ça c'était la formule issue des guerres de religion pour pacifier l'Europe au lendemain de ces sanglants affrontements. On a décidé que le principe était une foi, un roi, une loi, un peu partout en Europe, mais ça n'a pas empêché des petites communautés de persister dans des grands ensembles majoritaires, et il a fallu développer une autre politique dans les États westphaliens, qui est la politique de la tolérance civile des minorités, c'est-à-dire une acceptation de leur existence, mais avec un statut moindre. Un statut mineur, oui. Et donc, justement, cette émergence progressive de droits pour ces minorités religieuses, selon vous, Valentine Zuber, ne va trouver une véritable application, en tout cas dans notre pays, en France, que à l'occasion de la Révolution française et de 1789. Oui, parce qu'en France, les arrangements, enfin les accommodements de la monarchie ont été très tardifs. Il y a eu un édit de tolérance, mais il date de 1787. Donc vous voyez, et 1789, eh bien, c'est la fin de ce régime de tolérance civile. C'est l'arrivée de la liberté religieuse et surtout la déconnexion entre la citoyenneté et l'appartenance religieuse et l'égalité entre les individus. Alors racontez-nous un peu, comme vous le faites dans Le culte des droits de l'homme, votre livre, Valentine Zuber, ce moment où la révolution se déclenchant, eh bien, il va y avoir un débat qui va durer tout l'été 89, entre les constituants, entre ceux qui participent à cette assemblée constituante, sur la nécessité ou non, mais une fois qu'on en a décidé, on a déclaré qu'il était nécessaire d'avoir une déclaration des droits, le contenu même de cette déclaration des droits, parce que c'est fort intéressant, cela d'une certaine façon, façon nous permet de réfléchir à aujourd'hui et à tout le chemin parcouru depuis plus de deux siècles par les débats autour de ces déclarations des droits et des devoirs parfois, parce que certains voudraient bien qu'il y ait des devoirs dans cette déclaration des droits, Valentine Zuber. Oui, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ce débat, effectivement, il a été très long. À l'échelle de l'histoire, ça n'est pas très long, mais à l'échelle de l'Assemblée constituante, qui était confrontée à toutes autres sortes de problèmes, parfois plus urgents, ce débat a été très long. Le premier terme était de savoir s'il fallait une déclaration des droits. Une fois que ça a été acté ainsi, il a fallu préparer des projets de déclaration des droits. Et les députés pensaient un petit peu naïvement que, comme c'était le reflet de la loi naturelle, ça allait être tout simple. Et en fait, on s'est trouvé confronté à une quarantaine de textes différents, avec des inflexions politiques extrêmement différentes, comme vous le soulignez. Et donc, il a fallu arbitrer et ensuite en discuter pendant une toute petite semaine du mois d'août, de la fin du mois d'août 1789. Alors, justement, on arbitre entre quoi et quoi? Parce que effectivement, il y a des tendances qui ne se disent pas comme telles à ce moment-là dans l'Assemblée constituante, mais il y a ceux qui, on l'a dit, comme Lafayette, sont très influencés par l'expérience américaine, d'autres qui ne sont pas allés dans ces nouveaux États-Unis qui viennent de naître et donc qui ne connaissent pas cette expérience américaine. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se discute justement entre constituants pendant toute cette durée de temps de l'été et surtout pendant cette dernière semaine où il va falloir mettre par écrit ce que l'on appellera une déclaration des droits de l'homme. Oui, alors il faut rappeler que l'écriture de la déclaration des droits de l'homme est juste après la nuit du 4 août, hein, la fin des privilèges. Donc il y a une espèce d'enthousiasme de tout le monde qui décide finalement de cette écriture. Et puis en fait, à partir d'un modèle qui émane du 6e bureau, on va rediscuter chaque article et chaque droit qui va être donné, énoncé pour les citoyens et les individus. L'Assemblée, il y a plusieurs partis en présence. Il y a d'une part les religieux qui plaident pour une déclaration des droits, mais qui serait assortie des devoirs de l'homme. Vous avez une minorité protestante agissante qui réclame l'égalité citoyenne entre tous les individus de France. Et puis vous avez un espèce de marais qui est composé de gens qui n'ont pas des idées forcément très précises, mais qui oscillent entre les uns et les autres. Alors on a donc Sieyès qui est dans le coup, champion de Cissé, Mounier, Clermont-Tonnerre, on l'a dit, Lafayette et des abbés comme l'abbé Louis Bonnefoy et d'autres qui discutent, François-Henri de Virieux qui lui dit par exemple ça serait bien de mettre cela sous l'égide de l'être suprême. Oui. Alors, il y a une discussion déjà. On sait évidemment que l'être suprême deviendra un des cultes révolutionnaires plus tardivement, mais il y a déjà une discussion en 1789, pendant cet été 89, sur cette idée que, eh bien, ça serait bien de rendre hommage à celui qui est censé avoir donné l'idée de cette révolution, mais aussi l'avoir permise sur le territoire du royaume. Alors, c'est un des débats les plus cruciaux de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme citoyen, avec la formulation de l'article 10, qu'on verra peut-être tout à l'heure. La déclaration américaine se fait sous l'égide de Dieu, hein, et donc il y a un fondement divin de la déclaration américaine. Et là, évidemment, cette histoire d'être suprême... Alors, il ne faut pas surajouter sur être suprême, c'était la manière très 18e de parler de Dieu, hein, donc ça ne choquait personne à l'époque. Mais la mention de l'être suprême dans la déclaration des droits, elle fait évidemment débat, et en fait, on a trouvé une situation de compromis, parce que l'être suprême n'est pas l'auteur des droits, puisque ce sont les hommes qui se les donnent à eux-mêmes, mais en revanche, l'être suprême assiste à cette assemblée des hommes qui s'auto-institue. Alors, cet article 10 dont vous parliez, de cette déclaration des droits, dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Pourquoi ça pose problème, cette question de la religion, la liberté religieuse ? Alors, ça pose problème parce que ça pose le problème de la vérité. Évidemment, la religion majoritaire, qui était la religion de l'État jusqu'à la Révolution française, est le culte catholique. Or, là, on admet avec cet article 10 qu'il peut y avoir plusieurs types d'opinions religieuses et qu'on ne cite pas, d'ailleurs, celui de le culte catholique plus particulièrement, et on n'insiste pas là-dessus. Et donc, les opinions religieuses, elles peuvent être tout autant catholiques que protestantes, voire juives. Et donc, effectivement, cela choque certains dans cette petite commission qui doit établir cette déclaration des droits. Et cette déclaration, on la laisse ouverte. Ça, c'est étrange, c'est-à-dire que la déclaration que nous considérons comme qui a été instituée comme une sorte de fondement de l'État républicain et que nous apprenons quasiment par cœur, cette déclaration n'est pas finie, en fait. C'est une déclaration inachevée et c'est le vrai mystère de cette déclaration. Le 26 août, les députés décident qu'il faut passer à autre chose. On a perdu trop de temps à discuter de cette déclaration de principe, qu'il faut aussi maintenant écrire la Constitution et que, voilà, donc on s'arrête là. Et lorsqu'en septembre 1791, on décide d'approuver la Constitution et donc son préambule constitué par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, se pose la question de l'achèvement de la Déclaration. Et là, c'est considéré comme trop tard. Le président de l'Assemblée dira que cette Déclaration est déjà sacrée, qu'elle a été apprise par les enfants des écoles et qu'on ne peut plus rien y toucher. C'est étrange. Alors, vous qui connaissez si bien cette histoire, Valentine Zuber, qu'est-ce qu'ils auraient pu rajouter à cette déclaration des droits qui nous apparaît finie de toute éternité d'une certaine façon? Qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir comme autre article qui aurait pu être mis en débat et ajouté à cette déclaration? Alors, si vous lisez cette déclaration, vous voyez qu'elle se termine par l'article 17 sur le droit à la propriété. En fait, les articles suivants et qui dérangeaient probablement les députés, ça aurait été des articles qui étaient consacrés au travail, aux droits économiques, ce qu'on appelle maintenant les droits économiques et sociaux. C'est-à-dire ceux qu'on a réintégrés dans les déclarations du XXe siècle, en fait. Voilà. Tout à fait. Donc, nous n'avons en fait qu'une déclaration de droits civils et politiques et qui donc n'a pas, ne prend pas compte des droits économiques et sociaux des citoyens. Et pourtant, cette Révolution française dure bien au-delà de 1789, Valentine Zuber. Et donc, il y aura d'autres constitutions qui seront mises en œuvre en 1793, en 1795. Et on ne touchera pas à cette déclaration. Et pourtant, on pourrait imaginer que Robespierre ou ceux qui sont autour de lui peuvent avoir l'intention d'ajouter des choses. On va, à un moment, imaginer que peut-être il faudrait rajouter les devoirs. Et là, c'est Robespierre qui dit stop, pas de devoirs dans la Déclaration des droits. Oui, Robespierre n'accepte pas cette extension. Mais alors, il faut se rappeler qu'il y a eu deux autres déclarations des droits de l'homme en 1793, justement, préambule de la Constitution, et aussi en 1795, et celle-ci est une déclaration des droits et des devoirs. La déclaration thermidorienne. Mais celle de 93 n'a jamais été appliquée, vous le savez, comme la Constitution. Quant à celle de 95, elle n'a pas été jugée digne de la postérité historique. Et c'est vrai que la France n'a plus retenu que celle de 1789. Et lorsque Bonaparte fait son coup d'État, donc en Brumaire, il va devoir, à un moment ou à un autre, dire qu'il continue l'œuvre de la Révolution. Il va faire semblant, d'une certaine façon, mais disons qu'il va mettre sous le boisseau tout ce qui avait été écrit auparavant, à quelques exceptions près, Valentine Zuber. Oui, ce qui est intéressant, c'est que tous les régimes qui se sont succédés tout au long du XIXe siècle, et il y en a eu beaucoup, hein, parce que la vie politique française est faite de coups d'État et de révolutions successives, avec une alternance de régimes progressistes et de régimes conservateurs, eh bien, tous les régimes ont gardé cet acquis de la Révolution française, quel que soit leur positionnement face à la Révolution française, c'est le respect des principes de 89, et sous ce terme de principe de 89, évidemment, c'est de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont on parle. Et pourtant, cette déclaration n'est pas restée simplement nationale, en l'occurrence, puisque tout au long de la Révolution française, eh bien, elle a donné des surjons, que ce soit dans la République batave, en Italie, ou ailleurs, en Belgique, à Genève même. Et évidemment, elle a semé quelques graines un peu partout en Europe, même si, évidemment, ces graines ont très vite été à nouveau enfoui par les pays en question. Oui, alors ça c'est tout à fait intéressant. Elle a beaucoup intéressé, hein, jusqu'à Emmanuel Kant qui a accueilli cette déclaration avec beaucoup d'enthousiasme. Elle a beaucoup intéressé et puis elle a été aussi propagée par les conquêtes napoléoniennes. Hein, donc il y a eu cette double influence. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration a servi aussi de réservoir d'arguments pour les peuples qui ont été colonisés par la France, enfin, en tout cas envahis par la France, pour réclamer leurs propres droits. Donc elle a eu une postérité effectivement bien autre que française, mais aussi en se retournant contre la politique française. Et c'est ça, effectivement, qui est une très grande ironie de l'histoire. Alors évidemment, une fois la Révolution terminée, l'Empire institué, la chute de Napoléon arrivée, revient donc la Restauration. Et au moment de la Restauration, on saisit par exemple une loi, la loi de 1825 sur le sacrilège, pour pouvoir débattre de ces questions des droits, et en particulier de cette offense faite à Dieu, pourrait-on dire, que de s'instituer en concepteur d'une déclaration des droits. Et c'est le comte Ferdinand Berthier de Sauvigny, député de la Seine, qui est interprété ici par Pierre-Louis Calixte. C'est un extrait de la Marche des Histoires du 18 février 2015. Nous avons vu la désolation dans le lieu saint, la maison de la prière transformée en un lieu de débauche, un culte infâme remplacé celui du Dieu des chrétiens, des idoles de chair placées sur ces autels, et ces hommes si fiers qui, dans leur orgueil insensé, refusaient leurs hommages au vrai Dieu, nouveau sectaire d'une religion nouvelle, adoraient la raison triomphante sous la figure d'une prostituée. Le roi, messieurs, veut faire cesser ce scandale. Un projet de loi sur le sacrilège et le vol sacrilège vous est présenté. Après une longue et funeste révolution qui a attaqué toutes les croyances, qui a ébranlé tous les principes fondamentaux de la société, après tant d'outrages à la divinité, tant de profanations, vous penserez qu'il est du devoir des législateurs de rappeler les peuples au profond respect dû au lieu saint, aux choses saintes. Vous penserez qu'il faut arrêter enfin ces profanations sacrilèges qui depuis quelque temps affligent si souvent les âmes pieuses et chrétiennes, qu'il est temps de rassurer les cœurs fidèles et d'en imposer par la crainte des lois pénales à ceux que la crainte des jugements de Dieu ne peut contenir. Un extrait de la Marche de l'Histoire de France Inter en février 2015 avec les comédiens de la Comédie Française. Il interprétait ici donc le comte Ferdinand de Berthier de Sauvigny en 1825 pendant la loi sur le sacrilège. Il était interprété par Pierre-Louis Calix. Nous sommes avec vous, Valentine Zuber, pour raconter dans cette série de la Fabrique de l'Histoire, mais aussi dans toutes ces émissions de France Culture pendant cette semaine sur le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le chemin qu'ont pris justement ces droits de l'homme depuis le XVIIIe siècle. Alors il y a tout de même des retours de bâton. Et puis tous ceux qui, comme Edmund Burke ou encore Joseph de Maistre, considèrent que c'est le diable qui a inspiré ces déclarations, c'est-à-dire une atteinte à la divinité, comme le disait ici Berthier de Sauvigny, les hommes et leur fierté, leur orgueil insensé pour se dresser contre Dieu. Le terme d'orgueil est tout à fait bien choisi, parce que c'est évidemment ce qui est la première taxation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la condamnation par le pape en 1791 et toutes ces critiques effectivement à travers la pensée réactionnaire de Joseph de Maistre, Louis de Bonald ou d'Edmund Burke qui est un Anglais qui a écrit spécifiquement contre ces déclarations des droits. Les droits de l'homme qui sont donnés par les individus à eux-mêmes sont considérés comme un signe de l'orgueil humain et de la défiance envers la divinité. Et puis, il n'y a pas que des critiques venant de la réaction, il y a aussi des critiques venant de l'autre bout du spectre politique, si on parle en droite-gauche, en l'occurrence, c'est-à-dire de la gauche, que ça soit de Louis Blanc, que ça soit au milieu du 19e siècle, de Karl Marx soi-même, qui se moque effectivement de ces droits de l'homme qui, pour lui, sont trop bourgeois pour pouvoir être universalisés. Oui, tout à fait. Karl Marx, dans un texte très célèbre de 1848, va démonter toutes les déclarations des droits de l'homme révolutionnaires en considérant que, en octroyant que des droits civils et politiques, et en particulier des droits d'élection censitaire, ils se coupent du peuple et ils ne prennent pas en compte les vrais besoins, les droits réels qui devraient être accordés au peuple. Et on peut dire que tout ce 19e siècle oscille dans ses critiques sur les droits de l'homme entre cette critique de gauche qui est emportée par certains, une critique de droite qui sera portée aussi à la fin du 19e siècle par Hippolyte Taine en 1878, mais auparavant par Charles de La Crotelle qui est celui qui avait continué le précis de la Révolution française de Rabault-Saint-Étienne, qui disait « Il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie, s'il existe. C'est bien à mon insu cette idée même qu'il y ait un homme qui soit un individu, qui soit une sorte d'espèce humaine, on dirait aujourd'hui, après les écrits du XXe siècle. Oui, tout à fait. C'est cette notion d'homme est peut-être ce qui est le plus intéressant dans la philosophie des droits de l'homme et qui va être repris par la Déclaration universelle des droits de l'homme à travers le respect de la personne humaine, la dignité de la éminente de la personne humaine. C'est bien cet individu qui est sujet de droit et non pas la nation ou des collectivités ou des communautés religieuses particulières. Alors néanmoins, il y a des gens qui se situent à gauche du spectre politique qui reconnaissent que même si ces droits sont des droits bourgeois, en particulier à cause de ce droit de propriété que vous avez mentionné tout à l'heure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, eh bien ils ont permis l'acquisition d'autres droits d'une certaine façon. Et je pense en particulier à Kropotkine, le grand penseur anarchiste, qui ne reprend pas la totalité de ce que dit de la critique de Marx contre cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, et puis il y a aussi une critique féministe aussi qui considère que ces droits de l'homme et cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont d'ailleurs on nous a présenté longtemps à l'école républicaine que c'était une déclaration en faveur des droits de tous les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes, mais en fait est une déclaration pour les droits des hommes, des droits des hommes propriétaires, et ne concerne pas ni les femmes, ni les esclaves, ni les enfants. Enfin, le domaine d'application est quand même assez restreint. Et ce qui est étrange, c'est que, vous l'expliquez bien dans votre livre sur le culte des droits de l'homme, il y a un apprentissage de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui passe aussi par l'école, avec cette idée qu'on va en faire un texte qui va nourrir les futurs citoyens de leur propre citoyenneté. Alors ça peut être le cas pendant la Troisième République en particulier, mais vous nous expliquez aussi, Valentine Zuber, que le caractère véritablement sacré de ce texte-là n'est pas si précoce que cela. C'est-à-dire que c'est plutôt la deuxième moitié du XXe siècle qui va en faire, dites-vous, un véritable texte sacré auquel on va rendre hommage continuellement, et les hommes politiques vont rendre hommage continuellement à ce texte-là à partir de ce moment-là. Il va falloir un long temps d'infusion dans la société pour que cela devienne sacré véritablement. Oui, même si il y a déjà des proclamations en ce sens dès la Révolution française, des autels sur lesquels on grave la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au centre des villages. Et puis ça va devenir dans l'école publique de Jules Ferry, ça va devenir un des textes presque à apprendre par cœur, le Credo de la République. Même si, d'ailleurs, c'est ça, ce paradoxe est tout à fait intéressant. On l'apprend par cœur, on l'affiche ce texte à la fin du 19e siècle, mais il n'a aucun effet juridique. Sur les droits et libertés publiques de la Troisième République. Il n'est même pas mentionné dans les lois constitutionnelles. Et c'est évidemment beaucoup plus tard, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'on ressort ce texte de 1789 et qu'on l'inscrit dans le préambule même de la Constitution de 1946, puis de 1958. Vous nous rappelez que Albert Bayet, qui a été membre de la Ligue des droits de l'homme, qui était comme vous, de l'école pratique des hautes études en l'occurrence, qui était aussi à la Ligue de l'enseignement, à l'Union rationaliste, qui était, pourrait-on dire, vraiment un penseur républicain de l'entre-deux-guerres, déplorait au moment du 150e anniversaire en 1939 que ces droits aient été si violemment combattus par ce qu'il appelait les forces du passé. Et il disait pourtant que ces droits... cette déclaration des droits était pleine de principes jeunes et Hardy, disait-il. Donc il y avait cette volonté, effectivement, de les remettre toujours au goût du jour pour pouvoir dire que, bien qu'anciens d'un siècle et demi, ils étaient encore valides pour le milieu du XXe siècle. Oui, puis en plus, c'était les droits qui avaient été énoncés en 1789, au moment de la monarchie de ce qui allait devenir la monarchie constitutionnelle. Et ça, c'était la phase riante de la Révolution française par rapport à l'épisode de la Terreur. En fait, tous ces hommes politiques français, tout au long du 19e et même jusqu'au bicentenaire de 1789, en 1989, ont fait des choix, des relectures de cet événement traumatique de la Révolution française, et ils ont peu à peu privilégié le moment 89 au moment 93. Alors, Albert Baillet dit ces belles phrases: « Je n'ai pas de doute, en fin de compte, la science et l'amour balayeront misère et laideur, et l'humanité ira joyeusement vers des destins dont nous pouvons à peine entrevoir aujourd'hui la splendeur. Alors, quand nous voyons aujourd'hui s'organiser au cœur de l'Europe une croisade contre le progrès, soyons sur nos gardes. L'attaque dirigée par le fascisme contre la Déclaration des droits de l'homme est une attaque contre l'homme lui-même. » On est en 1939 et la guerre va se déclencher à partir de ce moment-là. Donc on peut dire que c'est à la fois une prescience et en même temps cet horizon de science, d'amour qui balayera la misère et la laideur n'est pas exactement pour demain, malgré la déclaration. Non, et puis on a bien vu aussi avec la Deuxième Guerre mondiale que c'est le progrès de la science qui a permis aussi les effroyables ravages et les meurtres de masse. Donc on est vraiment là à la fin d'une idéologie progressiste et qui va être remise complètement en cause au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors Albert Baillet, dans son texte pour célébrer ce 150e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voulait ajouter ce 89 économique, c'est-à-dire cette partie qui va finalement être ajoutée après-guerre dans les déclarations et en particulier dans les constitutions françaises de 1946 et de 1958. On voit bien que on est après le Front populaire, pointe cette idée qu'on ne peut pas simplement promouvoir les droits des propriétaires ni les droits politiques et sociaux. Et il faut aussi avoir des droits sociaux et économiques. Oui, parce que cela part de l'idée qui se généralise dans ces milieux que on ne peut pas, enfin que les droits civils et politiques sont inutiles si on n'a pas de quoi manger ni de quoi se reposer ou habiter quelque part. Alors venons-en justement à cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui est la raison pour laquelle France Culture organise une semaine d'émissions autour de ce concept. C'est donc la comédienne Sylvie Granotier qui nous lit les articles 8, 9 et 10 de cette déclaration et on les commentera tout de suite avec vous en expliquant évidemment le contexte de naissance de cette déclaration universelle. Valentine Zuber. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. Et puisque vous écoutez toute la journée France Culture et nous vous remercions, vous pourrez écouter tous les articles de cette déclaration universelle jusqu'à ce soir pendant l'émission La Dispute, lue par la comédienne Sylvie Granotier. Alors, cette déclaration de 1948, elle naît dans un contexte particulier. D'abord, ça n'est pas une déclaration française, c'est une déclaration universelle, même si certains Français, en particulier le juriste René Cassin, qui était auprès de Gaulle à Londres pendant la guerre, eh bien, a donné beaucoup de sa personne pour sa rédaction. Oui, cette déclaration, elle s'origine dans un premier texte de Franklin Roosevelt devant le discours de l'État de l'Union en 1941, qui est connu comme le nom de discours des quatre libertés. Liberté de religion, liberté d'expression, liberté d'être protégé contre la misère et la terreur. Ce discours a donné des idées à la Charte des Nations Unies qui a été rédigée par la suite avec d'autres États, en particulier l'Angleterre, et que cette charte des Nations Unies va fonder son combat sur les nouveaux droits de l'homme qui convient de rédiger. Et c'est à la suite donc de ces décisions politiques des adversaires de l'axe, hein, donc du côté des États-Unis, de la Grande-Bretagne, mais aussi de la France, que cette déclaration va petit à petit faire son chemin et ensuite être rédigée pendant 2 ans environ par une commission ad hoc. Alors le chemin, c'est donc 1941, vous l'avez dit, Roosevelt, 1942, la charte atlantique, 1945, la charte de San Francisco, qui voit naître l'ONU, avec le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Et donc, cette commission qui commence à se réunir le 21 juin 1946, c'est ça, Valentine Zuber? Oui, sous la présidence de la veuve du président américain Roosevelt, Eleanor Roosevelt, et avec plusieurs délégués venus de toutes les parties du monde. Il y a un Libanais, un Chinois, un Russe, un Anglais, un Haïtien, absolument. Un Australien, un Chilien et même un Soviétique. Et enfin, ils seront deux à se succéder lors de cette rédaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore pendant la guerre froide et donc tout le monde concourt à la rédaction de cette déclaration universelle. Oui, avec une participation effectivement assez intéressante des Soviétiques qui ont beaucoup plaidé pour que les droits économiques et sociaux soient traités à égalité des droits civils et politiques, et ils ont été entendus. Alors il y a donc cette réunion et puis un travail en commission très très poussé. On en parlera évidemment dans le documentaire autour de Eleanor Roosevelt, c'est le documentaire de jeudi dans la Fabrique de l'Histoire. Et René Cassin, donc ce grand juriste qui réfléchit lui à la question de l'adjectif, puisque ce qui précédait la Déclaration universelle, c'est la Déclaration international des droits de l'homme. Et c'est vrai que dans les années 30, il y avait déjà eu l'idée qu'on pourrait faire une déclaration internationale. Et évidemment, cet adjectif est aujourd'hui un adjectif qui pose problème vis-à-vis de certains des pays de ce monde, mais qui néanmoins a voulu être affirmé comme tel par René Cassin. Pourquoi ? Ben René Cassin est empreint de culture française, est un républicain passionné et il a aussi une responsabilité depuis de nombreuses années. Il est le président de l'Alliance israélite universelle et je pense que c'est directement de cette responsabilité qu'il a retenu ce terme et qu'il a pensé que ce terme donnerait plus de poids à cette déclaration. Et effectivement, on s'en souvient grâce à Universel. Alors, justement, ces droits religieux, ça ne pose pas de problème, par exemple, pour les Soviétiques et ceux qui sont dans leur orbite, que de voir affirmer les droits de la liberté religieuse, par exemple, ou pas du tout? Alors, les Soviétiques ne tiquent pas tellement sur les droits à la liberté religieuse. En revanche, l'Arabie Saoudite les dénie, et c'est pour ça qu'elle s'abstiendra lors du vote. Les Soviétiques et les satellites communistes tout autour, eux aussi s'abstiendront, mais pour des motifs de politique internationale, c'est le début de la guerre froide et ils ne veulent pas s'associer à un texte d'origine libérale, selon eux. Et d'ailleurs, on peut dire que lors de son discours, qui était un peu plus tôt, de Eleanor Roosevelt se rendant à la Sorbonne en présence de René Cassin, effectivement, on sent bien cette atmosphère de guerre froide qui est déjà présente, même si au départ, on commence à travailler en 46, en 48, au moment où on aboutit, en décembre 48, évidemment, il y a eu des actions qui ont permis justement la mise en place de cet esprit de guerre froide, Valentine Zuber. Oui, c'est vrai, mais bon, donc je pense que la Déclaration universelle a bénéficié d'une fenêtre absolument incroyable entre Seconde Guerre mondiale et guerre froide. Mais en même temps, c'est un texte qui a été finalement accepté par l'ensemble des pays du monde représentés à ce moment-là, aucun pays n'a voté contre, il n'y a eu que des abstentions de dernière minute, et la majorité des pays, même des pays qui auraient pu être raisonnablement inquiets face aux droits proclamés comme les pays colonisateurs que sont la Grande-Bretagne ou la France, même ces pays-là ont voté sans restriction. Et vous êtes donc d'accord avec ce qu'a déclaré le 11 novembre dernier à Paris d'ailleurs, Angela Merkel, quand elle a dit serions-nous capable en tant qu'Assemblée des Nations d'approuver, comme en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme? Je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire, quand vous insistez sur la fenêtre d'opportunité, c'est pour dire que c'était pas possible avant et ça n'aurait peut-être pas été possible quelques mois plus tard. Alors, ça aurait peut-être été possible, hein, c'est difficile de faire de l'histoire-fiction, mais ça aurait peut-être été possible. Mais quand on voit le temps et la complexité des débats qui ont permis finalement la création d'instruments contraignants à cette Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir les pactes des droits civils et politiques et le pacte des droits économiques et sociaux, qui date de 1966, eh bien, on voit que le travail était compliqué. Voilà, alors l'année suivante, en 1949, Yehudi Menuhin interprétait pour le premier anniversaire de cette Déclaration universelle des droits de l'homme la partita numéro 2 en ré mineur de Bach, la Chaconne. Partita numéro 2 en ré mineur de Bach, la Chaconne, interprétée par Yehudi Menuhin pour le premier anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était en 1949. Nous sommes avec vous, Valentine Zuber, spécialiste de cette histoire de la notion de droits de l'homme. Et nous sommes arrivés justement à ce moment où cette Déclaration universelle a été votée par l'Assemblée de l'ONU et qu'elle se met en application. Mais néanmoins, il faut un certain temps pour que tout le monde, même s'il n'y a pas eu d'opposition formelle à cette déclaration, prennent en compte véritablement ce que cela signifie. Il va y avoir donc des protocoles additionnels qui vont être ajoutés au fur et à mesure. En 1966, les instruments contraignants que sont le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou le pacte international relatif aux droits économiques, plus des protocoles facultatifs qui instituent le comité des droits de l'homme, par exemple, en 1966, ou l'abolition de la peine de mort en 1989. Tout cela se met en place progressivement. Il y a la déclaration formelle, pourrait-on dire, et puis toute une mécanique qui s'instaure ensuite, Valentine Zuber. Oui, c'est la création d'un droit international auquel on assiste et qui met évidemment un certain temps. Et il faut ajouter aussi à ces pactes toutes les conventions, la convention contre le génocide, la convention contre la torture, toutes ces conventions. Génocide 1948, les réfugiés 1951, la torture c'est en 84, etc., etc. Voilà, donc il y a et tout cet arsenal de textes et de traités constitue ce qu'on appelle le système international des droits de l'homme et dont qui est défendu par l'ONU, dont c'est la charge principale dans sa mission. Oui, il y a, disons, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans sa nudité, dans son impuissance formelle, puisque c'est simplement une déclaration et pas plus que ça, a été source de droit et une source assez généreuse du droit international. Et c'est en ça que on l'a fait aussi aujourd'hui. Oui, et c'est d'ailleurs étonnant parce que si on regarde les 70 années passées depuis 1948, Valentine Zuber, on peut se dire que il y a eu des soubresauts de la politique internationale qui auraient pu faire casser ce type de déclaration. Mais au bout du compte, elle a tenu bon an mal an. On va venir sur les critiques contemporaines vis-à-vis de cette déclaration. Mais il y a eu la guerre froide, on l'a dit. Il y a eu la fin de la guerre froide avec la chute de l'URSS en 1989. Et pourtant, tout cela a réussi à se tenir plus ou moins. Il y a eu les guerres de décolonisation, etc., etc. Oui, mais parce que cette déclaration, elle a aussi été mobilisée par ces différents groupes. Dans la décolonisation, un certain nombre de peuples se sont revendiqués de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour exiger leur liberté. Voilà, donc c'est aussi un texte qui a été, comme au XIXe siècle en Europe, avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce texte est pour tous les hommes et donc tous les peuples se sont aussi saisis. Tous les hommes et toutes les femmes, puisqu'il y a la Convention sur la discrimination vis-à-vis des femmes, la Convention aussi sur la discrimination raciale, on l'a dit, la torture, les droits de l'enfant également en 1989, la protection des travailleurs migrants en 1999, la lutte contre les disparitions forcées en 2006 ou la protection des personnes handicapées en 2006 également. Et on peut dire que ce débat qui a beaucoup enflammé les médias depuis une semaine autour de la signature de ce pacte de Marrakech, qui est un pacte voulu par l'ONU et qui doit être signé ces jours-ci à Marrakech et qui a enflammé beaucoup le milieu des gilets jaunes, laissant entendre qu'il y aurait ouverture des frontières de tous les migrants qui viendraient d'un peu partout, eh bien c'est la suite de toutes ces conventions, décisions qui sont issues de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, parce que sur certains points, comme vous les avez toutes énuméré, il s'est avéré qu'il fallait préciser les choses et protéger encore plus les individus les plus susceptibles d'être la cible des États. Hein. Et c'est bien contre les États que cette Déclaration universelle des droits de l'homme aussi a été faite. En tout cas, contre les États, pour que la souveraineté des États ne soit pas le tombeau de leurs citoyens. Le tombeau de leurs citoyens, voilà. Donc ça, René Cassin. Pour protéger les citoyens des États. Exactement. Qui seraient autoritaires, totalitaires, etc. Oui, etc. René Cassin y tenait énormément, et c'est peut-être ça qui est le plus beau dans le projet de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de ses suites, c'est ce recours possible par les citoyens et par la société civile contre les abus des États. Alors c'est beau, mais c'est critiqué aussi parce que vous avez vu naître, en tant que spécialiste de cette question de l'histoire des droits de l'homme, Valentine Zuber, des critiques inattendues, peut-être pas pour vous, parce que vous êtes, et vous nous l'avez dit, spécialiste de cette question des libertés religieuses qui seraient à l'origine, selon vous, de tout ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, et en particulier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. Et donc, c'est de ce côté-là qu'on a vu renaître aussi des demandes spécifiques pour justement ne pas voir appliquer dans sa totalité cette Déclaration universelle des droits de l'homme et tout ce qui tourne autour. Oui, effectivement, à partir des années 80-90, il y a eu des critiques que l'on taxe de culturalistes. Alors, elles peuvent être culturelles ou religieuses, et elles ont mis en danger la philosophie des droits de l'homme en la disqualifiant de leur point de vue, en disant que c'était un point de vue occidental et judéo-chrétien, et donc que ça ne pouvait pas s'appliquer à toutes les civilisations. On est aussi au moment de cette théorie du clash des civilisations qui n'aurait pas de point commun entre elles et qui ne serait condamnée à s'affronter. Et puis aussi, on est à un moment de bascule géopolitique, pourrait-on dire, parce que les premiers à lancer la critique, ce sont des Asiatiques, et pas forcément pour des raisons religieuses. Ça peut être Singapour ou la Chine, avec la fameuse notion de valeurs asiatiques, qui serait, pas tout à fait incluable dans cette déclaration universelle, en particulier parce qu'ils disent que le niveau économique de ces pays ne permet pas l'application immédiate, en tous les cas, de cette déclaration universelle. Oui, et on retrouve là, comme en écho, la critique marxiste, même si elle n'est pas assumée comme telle. Pour pouvoir avoir des droits civils et politiques, pour que les individus aient des droits pour eux-mêmes, eh bien, il faut que la société se développe, que l'économie rattrape celle de l'Occident et que tout le monde puisse être assuré d'être... De sa subsistance. Voilà. Donc ça, c'est du côté des droits économiques. Et il y a la critique, vous l'avez esquissée, donc venant de milieux religieux. Et on a dit tout à l'heure que l'Arabie saoudite n'avait pas voulu voter cette déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et c'est de ce côté-là qu'on a vu naître aussi d'autres critiques. Oui, parce que la prévention majeure des pays islamiques, c'est évidemment l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui décrit et détaille très précisément l'ampleur de ce droit qui est le droit à la liberté de religion et de conviction. Et ce qui fait mal et ce qui déplaît à ces pays musulmans par l'intermédiaire de leur voie politique, hein, beaucoup plus que religieuse, c'est l'idée que l'on peut changer de religion, que l'on peut abandonner sa religion. Et pour ces pays-là, c'est impensable. C'est pour ça que le Conseil islamique, qui est une organisation non gouvernementale qui est installée à Londres, va promouvoir une déclaration islamique universelle en 1981 et qu'il y aura, la conférence islamique va faire sa propre déclaration, considérant par exemple que l'islam serait la religion naturelle de l'homme, en l'occurrence Valentine Zuber. Oui, alors il y a eu plusieurs effectivement déclarations dites universelles des droits de l'homme en islam, dont les plus connues sont celles de l'OCI, en 83 et 90, celle du Caire en 90, et elles fondent leurs droits de l'homme sur la loi naturelle, et la loi naturelle pour eux, évidemment, l'islam et la charia. Et donc, ces critiques ne font pas bouger, pourrait-on dire, ce grand ensemble qui a été créé donc depuis 1948 à l'ONU. Ou si ça le bouscule, il y a eu ce grand débat qui a failli changer les choses autour de la notion de diffamation des religions. Là aussi, l'OCI a réclamé le droit de protéger la religion. Et entre 2005 et 2011, ça a été assez tendu dans les instances internationales, mais finalement l'OCI a renoncé à sa proposition parce que les diplomates qui étaient engagés dans ce débat, en particulier les diplomates occidentaux, ont bien montré que ceux qui étaient redevables des droits, c'était les individus et certainement pas les religions ou les entités abstraites. Et donc, l'Assemblée générale de l'ONU a voté le 19 décembre 2011 une résolution sur la lutte contre l'intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la violence fondée sur la religion et ou la conviction, ce qui, d'une certaine façon, a mis momentanément un terme à ce débat interne à l'ONU. Oui, parce que là encore, dans ce texte, vous voyez bien que c'est l'individu qui est atteint par des discriminations ou du racisme en fonction de sa religion, qui est protégée, mais pas la religion elle-même. Et donc, on doit toujours pouvoir critiquer. Est-ce que vous êtes optimiste, pour conclure, Valentine Zuber, sur la capacité justement et la plasticité d'une telle déclaration universelle pour pouvoir tenir le coup au-delà de 70 ans et encore pendant pas mal de dizaines d'années? Oui, et on est pourtant dans un trend plutôt descendant, je dirais, avec un anniversaire un peu en demi-teinte, beaucoup de pays qui contreviennent au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais je reste assez optimiste parce que même avec tous ces défauts, l'édifice onusien est de plus en plus complet. Il y a surtout des prolongements régionaux, par exemple en France avec la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont extrêmement vigilants à l'application de ces droits de l'homme ici et maintenant. Et je pense que donc il faut encore approfondir ces instruments pour qu'ils s'étendent au monde entier. Par exemple, l'Asie n'est pas couverte par ce genre de protection régionale, mais c'est vrai en Afrique, mais c'est vrai en Amérique latine. Et donc, il y a des raisons d'espérer. Et demain, nous parlerons donc justement de l'Afrique qui réclame même une sorte d'antériorité en reprenant le terme de la charte du Mandé comme étant peut-être une des premières déclarations justement des droits dans cette Afrique de l'Ouest. Ça sera le thème de notre émission de demain. Mercredi, nous reparlerons de cette internationalisation. Et jeudi, eh bien, le documentaire portera sur la figure d'Eleanor Roosevelt. La symphonie des droits de l'homme de Jacques Higelin, c'était en 1988. On n'a pas eu l'occasion de parler de ce bicentenaire de la Révolution française qui pourtant était au centre de votre travail. Le culte des droits de l'homme, Valentine Zuber, c'est chez Gallimard, mais aussi l'origine religieuse des droits de l'homme. Le christianisme face aux libertés modernes, c'est chez Labor et Fides l'année dernière. Et puis on peut citer aussi d'autres livres comme celui de Lin Hunt, l'invention des droits de l'homme, c'était à Genève chez Marcus Allaire en 2013, ou encore La Révolution des droits de l'homme de Marcel Gauchet, qui sera d'ailleurs l'invité de la deuxième partie de la Grande Table aujourd'hui. C'était toujours chez Gallimard en 1989. Et puis Sophie Vaniche, l'intelligence politique de la Révolution française, c'est chez Textuel en 2012. Merci encore à vous, Valentine Zuber. Merci.